Chapitre 7e. Qu'est-ce que diront mes amis ? Le télégramme qui arriva à Roxborough dans cette soirée de septembre apporta le désespoir dans le cœur d'Henri Adolphe et dans celui de son très dangereux conseiller. Les nouvelles arrivèrent presque aussi promptement que cela se pouvait à la boutique du marchand de tabac, où les deux hommes, assis pâles et nerveux, essayèrent de paraître indifférents et de prendre les choses haut la main, et de fumer leurs cigares en parlant légèrement de sujets généraux. Mais ils souffraient une torture inférieure seulement à celle du misérable qui attend sa condamnation pendant que le jury délibère de son sort. Un jeune homme hors d'haleine arriva avec le télégramme. Le marchand de tabac était amateur de chevaux et partageait avec un sportman de ses voisins les frais de la dépêche. Il y avait beaucoup de monde dans la boutique, plusieurs habitués privilégiés, tous attendant les mêmes nouvelles et tous essayant sans réussir d'avoir un maintien aisé et indifférent. Ils se pressèrent autour du marchand de tabac lorsqu'il déchira l'enveloppe pour lire la dépêche. Mais Dom se précipita violemment à travers cette petite foule, mit la main sur l'épaule du commissionnaire pour s'y appuyer et lire le papier qu'il avait à la main. « Fly by night, premier, Héliogabal, second, tout penny postman, mauvais, troisième. » Ni le lieutenant ni le commis n'avaient parié pour le numéro du cheval. Ils avaient parié qu'il gagnerait. Ils avaient mis leur vie sur cette petite chance comme ça la mandrine du docteur Mackay. Ils avaient perdu. La figure de Dob avait un teint terne et livide lorsqu'il rejoignit son compagnon, un peu éloigné du large cercle qui entourait le marchand de tabac. Gervais n'eut pas besoin de faire de questions à son ami sur la dépêche. Il lut le résultat de la course sur sa figure. Ils sortirent et se rendirent silencieusement dans la rue, et ils firent bien des pas sans parler. Ils tournèrent, comme si instinctivement ils voulaient sortir de la rue haute et de la foule agitée, pour entrer dans la petite ruelle triste menant à la rivière, dans laquelle Gervais s'était promené avec la brillante veuve 9 mois environ auparavant. Les hommes qui sont désespérés ou qui éprouvent des ennuis semblent prendre ces petites ruelles sales et ces allées noires et obscures aussi naturellement que les animaux sauvages se cachent sous les couverts. « Vous m'avez mis dans une jolie position, » dit le commis à la fin d'une voix rauque et sans pouvoir respirer. « Ne dites pas que c'est moi qui vous ai mis, Dob, mon vieux camarade. Dieu sait que ce n'est pas moi qui fais perdre le cheval. » répondit le lieutenant d'un ton où il avait un peu de crainte. Ce n'est pas agréable pour le tentateur de recevoir les reproches de sa victime. Assurément, une fois ou deux dans le cours de ce sombre drame de la vie, Méphistophélès doit avoir été aussi un peu effrayé par Faust. « Non, mais vous m'avez dit qu'il était certain de gagner, » répondit le commis avec une amertume qui était presque hystérique. « Vous me l'avez tant dit et tant répété que vous m'avez rendu plus fou que vous. Oui, 50 fois plus fou. Car quel risque avez-vous couru en pariant pour ce cheval ? J'ai engagé, moi, mon nom et mon honneur, ma maison et mon foyer, et le pain que je mange en mettant sur lui. Et vous, que vous reste-t-il à perdre ? Ce qu'un mendiant perd lorsqu'il jette son ami dans un trou ? Allons, Dob, calmez-vous, mon vieux compagnon. Gervais Catherine, s'écria Henri Adolphe en se tournant avec colère vers son compagnon. Comment me rendrez-vous l'argent que j'ai pris dans la caisse de mon bureau ? Il faut que je le remette jusqu'au dernier 6 pence avant samedi soir. Comment ferez-vous pour me le rendre ? Ne vous emportez pas, Dob, je ne puis vous dire comment je vous le rendrai si vous continuez comme cela, mais je vous le rendrai. « Vous me le rendrez ?» s'écria le commis. « Oui, aussi sûr qu'il y a un ciel au-dessus de nous, vous me le rendrez. Je connais votre petit jeu. Vous essaierez de me bercer d'illusions cette fois, comme vous avez fait toutes les autres. Ce sera demain, Dob. La semaine prochaine, Dob. Dans 15 jours, Dob. Ne faites pas ainsi cette fois. Je ne vous dis pas de mensonges. Quoique vous soyez si accoutumé à en dire vous-même, que vous ne pouvez pas croire, je présume, quelqu'un qui vous dit la vérité. Je vous dis que si je n'ai pas cet argent d'ici samedi soir, je serai un homme perdu avant lundi matin. Vous avez été très enchanté que le Vosloper soit allé à Rotterdam, n'est-ce pas ? Ce qui était une bonne chose pour vous. Mais vous ne vous êtes pas inquiété du jour où il devait revenir. Qu'est-ce que cela vous importe ? Vous n'êtes pas son commis. Vous n'êtes pas responsable de l'argent qui a été pris dans sa caisse. Ce n'est pas vous qui serez misérable et un voleur si l'argent n'y est pas remis. Le vieux Sloper sera à la maison samedi. Et avant d'aller se coucher samedi soir, il m'aura fait venir dans son bureau particulier pour voir le total des diverses sommes reçues par moi jusqu'au dernier centime. Il se fâchera s'il manque la moindre chose. Il faut donc que je remette ce que j'ai pris, monsieur Cafronne, et que vous me rendiez absolument cet argent. » Le commis brasseur tremblait d'émotion et de colère. S'il eût été premier ministre, et que son honneur et sa position eussent été en jeu, il n'aurait pas été plus profondément agité. 120 livres sterling par an ne sont pas beaucoup au résumé, mais c'est beaucoup lorsque cela représente les appointements que cette année du plus patient travail et de la meilleure conduite ont rendu un homme capable d'obtenir. Et quoique l'honneur d'un commis brasseur et sa bonne renommée ne pèsent pas beaucoup dans l'histoire du monde, ils sont extrêmement importants pour le commis brasseur lui-même. En outre, Henri-Adolphe Dobbe était un emphatique petit homme, habitué à dominer son petit cercle. Le déshonneur pour lui eût été infiniment plus dur que pour une âme plus humble. « Ne vous ai-je pas déjà dit que je vous rendrais cet argent ?» dit le lieutenant. « C'est mal de me regarder ainsi, comme si vous pouviez tirer une livre de ma chair et que vous cherchiez où vous pourrez la prendre. Je ne puis battre monnaie ou ramasser de l'argent dans la boue de cette ruelle. Vous devez me donner du temps, un temps raisonnable, » ajouta Cafronne, car le commis faisait un mouvement pour s'élancer sur lui, car il avait entendu cette misérable phrase « Donnez-moi du temps » déjà bien souvent. « Je vous dis que je ne veux pas vous jeter dans aucun mauvais cas. Avant samedi, vous aurez cet argent n'importe comment. Je pense que je connais un endroit où je puis en avoir et j'en aurai. » « Vous dites que vous connaissez un endroit ? Quel endroit ? Pourquoi n'avez-vous pas été y chercher de l'argent lorsque vous m'avez dit que vous ne pouviez pas en avoir, ni en emprunter, ni trouver un billet de 5 livres pour mettre sur ce maudit cheval ? Ne vous inquiétez pas de cela, Dobbe. Peut-être ai-je déjà eu de l'argent du côté dont je parle, mais j'ai été obligé d'en disposer pour des créanciers plus pressants que vous, et je n'ai pas voulu vous en parler, de peur que vous ne preniez cela en mauvaise part. Ne vous inquiétez pas. « Oui, comment j'aurai de l'argent, je vous dis que j'en aurai. » « Oui, » répondit le commis, « je connais vos tours et vos portes de derrière. Vous allez prendre congé de moi et vous courrez à Londres, sous prétexte de chercher de l'argent. Vous y resterez jusqu'après samedi, et lorsque vous reviendrez, votre ami Dobbe, votre dupe qui a tiré les marrons du feu, sera dans la prison de Roxborough, accusé d'abus de confiance, et vous vous lécherez les doigts de l'autre côté de ses barreaux. » Et qui le croira s'il dit que c'est un beau gentleman qu'il a engagé à prendre l'argent ? Pas un être vivant. Je vous dis ce qui en est, Gervoise Cafronne. » S'écria Dobbe, en s'arrêtant tout à coup et en prenant par le collet son ami d'une manière peu courtoise. « Je ne vous laisserai pas partir chercher de l'argent. S'il y a un endroit où vous puissiez en avoir, allez-y tout de suite et j'irai avec vous. Vous m'avez dupé trop souvent et je sais ce que vous êtes. Mais que le ciel me protège. Je ne vous quitterai pas jusqu'à ce que vous m'ayez rendu mon argent. Dobbe, par pitié pour vous, soyez raisonnable. Oui, seriez-vous raisonnable si vous étiez dans mes chausses ? Savez-vous ce que c'est que d'avoir occupé une place, adolescent et homme, depuis 27 ans ? Non, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir travaillé dur pour chaque morceau que vous avez mangé et chaque gorgée que vous avez bu, et de pouvoir dire, en mettant votre main sur votre conscience, que vous ne devez si peine à personne, et que vous n'avez jamais fait tort d'un sou à qui que ce soit. Non, vous ne le savez pas. Savez-vous ce que c'est de vivre dans un endroit où chacun vous connaît et a été bon et bienveillant pour vous depuis votre enfance, et a connu votre père avant vous, votre grand-père avant lui, et les ont connus tous les deux pour des honnêtes gens ? Non, vous ne vous en doutez pas. Il vous est naturel de tromper, et c'est une chose ordinaire pour vous, d'être montré au doigt par des gens qui disent « Voilà celui qui nous doit de l'argent et qui ne nous le payera jamais. » Ce n'est pas vous qui pouvez comprendre quelle honte ce serait pour moi. « Dobbe, » dit Cafronne, « si les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, je vous rosserais. Je suis en votre pouvoir et vous êtes libre de m'insulter. Je vous ai mis dans le pétrin, je le sais. Mais si vous avez un peu de patience, je vous en sortirai. » D'ici à samedi, ne l'oubliez pas. Il me faut tout cet argent jusqu'au dernier sou, avant samedi soir. Je connais le vieux slopper. Il serait sans pitié. Il ne me ferait pas grâce d'une heure quand je la lui demanderai à genoux. Vous aurez cet argent, répéta le lieutenant avec un air de conviction. Mais Dobbe ne pouvait pas se contenter d'une assurance aussi vague que celle-là. Il avait été trop souvent trompé par les séduisantes promesses de son ami. Il insista pour connaître à quelle source mystérieuse le lieutenant comptait s'adresser, et petit à petit, Catherine fut amenée à révéler le fait de ses relations avec la fascinatrice visiteuse de Sir Gaspard. « C'est une espèce de parente, » avoua-t-il, comme le commis le pressait de plus en plus, « et elle a plus d'argent qu'elle ne peut en dépenser, mais elle est aussi avare qu'il est possible de l'être. Cependant, quand elle saura que ma position est aussi désespérée, elle se fendra magnifiquement, j'ose le dire. »« Oh, vous osez le dire ?» s'écria le commis ironiquement. « Et qu'est-ce que votre assurance me fera samedi, quand Livius Loper me tiendra sur des charbons ardents dans son cabinet particulier, où le fauteuil sur lequel il est assis tourne sur un pivot, qu'il puisse se retourner tout à coup, et à tout moment, regarder un pauvre diable, et lui faire perdre contenance avec ses vieux yeux de furet. Je vous dis ce qu'il en est, monsieur Catherine. J'ai un fort soupçon que le nom de la dame que vous avez désignée, Madame Trois Étoiles, ou Madame N'importe qui, ou Madame Personne, qui n'ont jamais existé, et que toute cette histoire est un conte difficile à avaler. Mais si vous pensez que cela va me rendre fou, mon ami, vous vous trompez beaucoup. On peut me mettre en prison après samedi soir, mais d'ici là, je m'attacherai à vous comme à de vieilles bottes. » Naturellement, là-dessus, le lieutenant protesta encore, et après beaucoup d'argumentations et de protestations, il fut à la fin convenu que Catherine écrirait une lettre à la dame de l'abbaye pour lui demander une entrevue immédiate et que le commis non seulement lirait cette lettre, mais qu'il la remettrait lui-même à Madame Harding. Rien moins que cela ne pouvait satisfaire Dobb, et le lieutenant pensa qu'il fallait le contenter à tout prix. Les deux hommes se rendirent au Villa Amanda, où la figure de Célina Dobb les accueillit avec un air pâle et chagrin. Henri Adolphe avait été tout en l'air tous ces derniers temps, et tout Penny Postman avait été cause d'une querelle sérieuse entre le mari et la femme. La théière est aussi froide que du marbre et la bouilloire bout depuis plus d'une heure, dit tristement Célina en suivant son mari et son ami dans le petit parloir, où un petit plateau poussiéreux, une théière en faïence, un pain de 2 livres, paraissant égorné et tout ce qu'il y a de plus rassis, toutes sortes de coupes ébréchées dont l'intérieur vernissé était couleur d'ardoise, des pelotes de coton et des paquets de baleines, des journaux ouverts, des épingles qui dénoncent une couturière ornaient la table. Mais le commis murmura seulement « Oh, sacrebleu ! Personne n'a besoin de tant d'ustensiles !» en repoussant les poteries vernissées d'une main impitoyable et en nettoyant un petit espace sur la toile cirée qui couvrait la table. « Catherine a besoin d'écrire une lettre, » dit-il. « Vite, de l'encre et du papier, Lina. » « Je pense que M. Catherine devrait trouver plus convenable d'écrire ses lettres autre part, au lieu de chiffonner la robe de soie neuve de Mademoiselle Penkit, » répliqua Madame Dobb aigrement. Elle venait justement de ramasser un vêtement de soie faisant faux-frou sur lequel les deux hommes avaient marché. Ses yeux pâles étaient animés de colère lorsqu'elle les tourna sur le lieutenant. Elle avait commencé à comprendre qu'il était un dangereux ami pour son mari, quoiqu'elle ne soupçonnât pas l'étendue de ce danger. « Mademoiselle Penkit et sa robe peuvent aller au diable !» s'écria le commis avec un ton de défi. « Donnez-nous, je vous prie, une plume et de l'encre !» Commandée ainsi avec dédain, Madame Dobb obéit à l'ordre de son mari avec une tristesse digne, qui est la meilleure armure d'une femme. Naturellement, elle aurait eu quelque chose à dire à Dobb sur sa conduite et ses manières pendant la soirée. Mais elle garda ce qu'elle avait à dire, et elle agit pour le mieux. Sir Emerson Tennant dit que le crocodile est si incommodé par la plus petite digestion qu'il ne peut manger sa proie pendant qu'elle est fraîche, mais qu'il la cache pendant plusieurs jours et la dévore petit à petit lorsqu'elle est en état de décomposition. Il en est de même de quelques femmes qui cachent leur peine jusqu'à ce que l'injure qu'on leur a faite deviennent fortes par un long silence. Madame Dobb tendit à son seigneur et maître un très joli encrier de Chine contenant très peu d'encre et une très exécrable plume. Puis elle prit la robe de Mademoiselle Penkit et tout ce qui s'y rattachait et se retira. Elle affirmait ainsi sa position de matrone outragée et avait le dessus sur Henri Adolphe. Il demandait une plume et de l'encre et lui avait donné plume et encre. Mais il ne lui avait pas demandé de papier. Et elle ne lui avait pas donné de papier, quoiqu'elle fût parfaitement sûre qu'il en avait besoin pour écrire sa lettre. ce fut presque une satisfaction pour elle de l'entendre ouvrir sa petite commode et sa petite armoire en se servant de vilains mots pendant qu'il cherchait ce dont il avait besoin et après qu'elle se fut mise à travailler dans la chambre à côté. Dob, à la fin, trouva quelques feuilles de papier à lettres et Catherine griffonna sa brève épître tandis que le commis le regardait écrire par-dessus son épaule. « Ma chère Blanche, j'ai besoin de vous voir pour une affaire particulière dès demain matin, s'il est possible. Je ne souhaite pas plus aller à l'abbaye, j'ose le dire, que vous ne désirez m'y voir. Mais je vous trouverai dans le bois, si vous voulez, quelque part, entre la porte ouest et l'ermitage, vers 11 heures demain matin, ce qui vous laissera le temps de vous échapper après déjeuner. Envoyez-moi un mot pour dire oui à cette proposition, ou désignez-moi votre heure, mais que ce soit demain de bonne heure. Je suis dans une position désespérée cette fois. Il faut que je trouve du secours d'une manière ou d'une autre. Toujours à vous, G. C. P.S. Vous pouvez avoir confiance au porteur. » La lettre fut pliée et cachetée sous les yeux de Dob. En vérité, Henri Adolphe surveillait ce document avec un air qui supposait la crainte que Gervois ne parvint à escamoter cette mystérieuse épître. Lorsqu'il l'eut mise dans la poche de son gilet, le commis sembla un peu plus à son aise qu'il n'avait été depuis la défaite de Postman. Mais même alors, il n'était pas complètement rassuré. Il mit son paletot et son chapeau et cria à sa femme qu'il allait sortir et qu'il ne reviendrait pas avant 1 heure ou 2. Puis, regardant Catherine d'un air méfiant, il dit « Venez, vous ferez aussi bien de venir avec moi. C'est une promenade, et vous pouvez faire ce chemin aussi bien qu'un autre. » Mais le lieutenant objecta quelques devoirs qui l'obligeaient à retourner à la caserne, et le commis fut forcé de se séparer de lui aux portes du quartier d'infanterie de marine de Castleford, bien contre son gré. « Il peut me quitter et se rendre à Londres en me plantant là, » pensait Dob, en prenant les chemins déserts qui mènent au pont de Roxborough. Il marchait si vite, dans une hâte involontaire qui venait plutôt de l'agitation et du trouble de son esprit que de la nécessité de se dépêcher, qu'il était en nage et tout essoufflé lorsqu'il arriva au pont. Il s'appuya contre la balustrade en pierre pour revenir à lui et essuya son front humide avec son mouchoir. Tandis qu'il était debout, tête nue, il regarda l'eau qui coulait si tranquillement sous la majestueuse arche. « Si les choses arrivent à ce qu'il y a de pire, vous serez agréable et froide, » murmura Dob, « et j'aimerais mieux vous voir face à face que les gens qui m'ont connu depuis mon enfance et les camarades avec qui j'ai joué. Ils me retireront toute bienveillance si je suis dans la prison de Roxborough pour abus de confiance. Et il n'y en a pas un d'eux qui aura pitié de moi et qui croira que pour agir ainsi, je fusse devenu fou. Ils m'appelaient le bon Dob et j'en étais orgueilleux, mais je ne pensais pas que ma bonté tournerait contre moi si j'étais dans la peine. » Le carillon de la cathédrale de Roxborough sonnait 8h15. Comme le commis errait sur le pont, et une petite pluie fine comme un brouillard commença à tomber du ciel noir et sans étoiles. Quoique la pluie devint plus forte de minute en minute, Dob continua à marcher vers Scarsdale, et lorsqu'il se présenta à l'entrée des domestiques, il était dans un état misérable. Il était plus de 9 heures à ce moment, et la nuit était tout à fait humide. « Unicha chien yacha !» murmura Dob, en faisant tourner son chapeau sur sa main, et en le changeant en machine hydraulique monumentale, pour l'édification du domestique qu'il reçut. Il était en termes familiers avec tous les domestiques de Scarsdale, car toute l'ale qu'on consommait à l'abbaye venait de la maison Sloper et Halliday. Il y avait un moulin à drèche et une brasserie qui aurait pu servir à Sloper et Halliday eux-mêmes sur le derrière de l'abbaye. Monsieur Gaspard trouvait que l'odeur de la brasserie était désagréable, et on n'avait rien fait ressemblant à de la bière d'octobre depuis le temps du dernier baronnet. Catherine avait recommandé à son ami de remettre sa lettre aussi paisiblement que possible à la dame à laquelle elle était adressée. Le commis dit donc qu'il apportait à Scarsdale un message de sa femme pour Dorothée. On envoya chercher la petite Dorothée pendant que Dob séchait ses vêtements mouillés devant un bon feu dans la chambre du sommelier en chef et buvait quelques boissons fumantes composé d'eau et d'eau-de-vie, préparée pour lui, par les propres mains du principal sommelier. Elle arriva, rouge et hors d'haleine, car comme il n'y avait qu'une seule personne qui fût digne qu'on s'occupât d'elle, dans son monde, Elle avait supposé que le commis lui apportait des nouvelles de son amant. Le sommelier posa son journal et se retira, lorsque Mademoiselle Turfgood entra dans la chambre. Il était presque un gentleman par ses manières majestueuses, et il faisait convenablement les choses dans toute occasion. « Vous me trouverez dans la chambre de Madame Browning, si vous voulez y venir avant de vous en aller, Dob, » dit-il poliment. « Dans tous les cas, je vous prie de regarder cet appartement comme entièrement à votre disposition. C'est, »« C'est quelque chose de Jervois ?» s'écria Dorothée suppliante comme la porte se refermait sur le sommelier. Elle vit que sa figure était troublée, et elle le regarda avec des yeux effrayés et interrogateurs, comme s'il tenait son sort entre ses mains. Il lui semblait en quelque sorte un messager de malheur. Sa voix lui paraissait être la voix du destin, et il lui semblait qu'il était en son pouvoir de rendre sa peine plus ou moins grande. « Oh, Seigneur, non, cela ne le regarde pas, Dol !» répondit Dob avec mépris, comme si le lieutenant n'était pas digne d'avoir rien de commun avec lui. « Mais cela m'importe beaucoup à moi. Cependant, que ce soit ceci ou que ce soit cela, cela importe peu. Ce n'est pas la question. Vous avez une charmante femme du nom de Harding qui réside sous ce toit. » Même avec la perspective de la prise de Roxborough lui apparaissant dans l'obscurité du prochain samedi soir, l'habitude des cafés chantants le porta à dire une charmante femme ou un autre homme aurait dit une dame. « Oui, Henri Adolphe. Alors vous lui remettrez tout de suite cette lettre et vous m'apporterez réponse de même tout de suite, et sans avoir l'air extraordinairement animé pour cela, car je me suis rôti assez longtemps devant le feu et je ne voudrais pas m'attirer les regards courroucés de votre précieuse cousine quand je rentrerai au logis. Mais Madame Harding doit être au salon, et je ne sais pas comment je pourrais lui parler sans que quelqu'un le sache, » répondit Dorothée en prenant la lettre. « Quoi, c'est de Jervois ?» s'écria-t-elle en reconnaissant la mauvaise et illisible écriture de son amant. « Eh bien, qui vous dit que ce n'est pas de lui ? Mais que peut-il vouloir, Madame Harding ? Ne vous inquiétez pas de cela. Ce n'est pas l'occasion pour le monstre aux yeux verts de montrer ses odieuses griffes. Ce n'est pas une lettre d'amour. Je ne puis vous dire que cela, Mademoiselle Turfgood, et je ne vous en dirai pas davantage. Ainsi, moi vous parlerai, et plus tôt me rapporterai la réponse, et mieux cela sera. » Dorothée fut forcée d'accepter l'assurance de son cousin. Elle était plus contrariée que jalouse du message qu'on lui avait confié. Naturellement, si c'eût été une lettre d'amour, ce n'est pas à elle qu'on aurait prié de la remettre. D'ailleurs, Madame Harding n'était-elle pas beaucoup plus âgée que le lieutenant ? Jervois avait laissé échapper quelques mots sur sa connaissance avec la veuve, et cette connaissance l'avait été mise en avant, comme la raison pour laquelle l'engagement de Dorothée avec lui devait rester un secret pour sa tendre maîtresse. Elle traversa le corridor au bout duquel ouvrait l'appartement de la famille et attendit l'occasion de pouvoir communiquer avec Madame Harding. Elle n'attendit pas longtemps. Un domestique vint, apportant des tasses à café sur un antique plateau. Dorothée le pria de dire à Madame Harding que quelqu'un désirait lui parler, et 5 minutes après, la dame sortit dans le corridor. « Eh bien, » dit-elle presque durement, « qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre, madame, et je dois attendre la réponse. » La veuve prit la missive et déchira l'enveloppe. Sa figure s'assombrit en regardant l'adresse et devint encore plus sombre à mesure qu'elle lisait la lettre. Après l'avoir lue, elle restait 1 minute ou 2 à réfléchir. Il y avait un air si distrait sur sa figure que Dorothée s'imagina qu'elle avait tout à fait oublié la réponse. « Vous plaira-t-il de me donner tout de suite la réponse, madame ?» demanda doucement la petite femme de chambre. « La réponse est « oui, à rien d'autre chose. » « Qui apportait cette lettre et comment est-elle venue dans vos mains ?» demanda la veuve en regardant Dorothée avec des yeux pénétrants. « Elle a été apportée par ma cousine, madame, du moins par le mari de ma cousine, qui est un ami de M. Caffron. »« Un ami de M. Caffron. Vous avez trouvé le nom tout de suite sur ma parole, Mademoiselle Turfgood. Et je vous prie, comment connaissez-vous M. Caffron ?» La figure de la jeune fille devint cramoisie lorsqu'elle répondit « Je l'ai rencontré chez ma cousine, madame. » Il lui semblait que c'était une chose dure de ne pouvoir regarder fixement ses yeux dédaigneux et dire « Je dois être sa femme. » Mais l'ombre vénéneuse du mystère était déjà suspendue sur la vie de Dorothée, et elle endura cette punition aussi patiemment qu'elle aurait enduré les plus grands châtiments pour l'amour de lui. Elle fit une petite révérence et s'en alla en courant. La veuve la suivit des yeux avec un malicieux sourire. Mais peut-être y avait-il un peu d'envie mêlée à son mépris. Non, un demi-million n'aurait pu faire resplendir la figure fatiguée de Madame Harding de cette rougeur ingénue. Non, pour le prix d'un empire, ses pieds n'auraient pu courir le long du corridor avec ce pas élastique de jeune fille. « Je me demande si c'est bien charmant d'être jeune et fraîche et niaise comme cela, » pensait-elle. Je ne puis me rappeler le temps où je ne connaissais pas le monde presque aussi bien que je le connais maintenant. J'ai des remerciements à faire à mon père pour cela, et pour très peu d'autres choses. Elle retourna au salon, où Arthur Holroyd se rendait très agréable à son hôte. La pluie avait commencé un peu avant que le visiteur eût demandé son cheval, et comme la nuit devenait plus sombre et le temps plus affreusement mauvais, le baronnet insistait pour faire rester Holroyd. « Votre ami comprendra que par une nuit comme celle-ci, faire 12 000 à cheval est impossible. Je suppose que vous lui avez dit où vous alliez. »« Oh oui, Navril sait que je suis revenu à Scarsdale. » »« Alors il conclura tout naturellement que vous y êtes resté. Mais si vous pensez qu'il y a la moindre apparence que les domestiques du colonel Slingsby soient inquiets de votre non-retour, nous pouvons envoyer quelqu'un avec un mot. Je ne pense pas que les garçons d'écurie fassent aucune objection à cause du temps. » Holroyd protesta qu'il n'y avait aucune raison pour envoyer un messager. Les domestiques de cet audacieux diable de Davril, c'est le sobriquet qu'on lui donne à la messe, sont trop bien accoutumés aux habitudes vagabondes de leur maître. Personne ne m'attendra. On ne barrera pas la porte des communs, et on laissera une bougie sur la table de l'antichambre, je suppose, sans faire aucun autre préparatif pour mon arrivée. Je ne crois pas qu'on verrouille jamais les portes à Marchbrook, par parenthèse. Mais comme Slingsby est un collectionneur de boules terriers, les voleurs le laissent jouir de sa vieille argenterie. Il a tout dernièrement payé des chandeliers à raison de 25 shillings l'once. Un goût plus civilisé que je ne l'aurais cru susceptible d'avoir, murmura Sir Gaspard, jouant complaisamment avec une bonbonnière, qui avait été donnée ou pas donnée par Madame de Chevreuse par Louis XIII. Ainsi Holroyd resta à l'abbaye, et avec son amabilité, il charma Sir Gaspard par sa conversation, ou peut-être plus encore, par la gracieuse manière avec laquelle il écouta les discours de Sir Gaspard. Il coucha dans la chambre bleue, et dans le lit près duquel Godfrey Pierrepoint avait élevé son âme au ciel par la prière passionnée de sa virilité flétrie. Et cependant, nul rêve désagréable ne vint hanter le placide sommeil de l'élégant et insouciant Arthur Holroyd. Il avait l'habitude de prendre la vie légèrement et de ne pas songer beaucoup aux choses désagréables. Il chassait de sa mémoire le souvenir de ses fautes et de ses folies presque aussi facilement qu'il avait enlevé avec une brosse la poussière de ses habits tous ces derniers temps depuis qu'il n'avait plus de valet pour le faire pour lui.